Exode chapitre 6. Et l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, car il les laissera aller, étant contraint par main forte, il les chassera de son pays. Dieu parla encore à Moïse, et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu fort, tout-puissant, mais je n'ai point été connu d'eux par mon nom d'Éternel. J'ai fait aussi cette alliance avec eux, que je leur donnerai le pays de Chanaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont demeuré comme étrangers. Et j'ai entendu les sanglots des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent esclaves, et je me suis souvenu de mon alliance, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, et je vous retirerai de dessous les charges des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, je vous rachèterai à bras étendus, et par de grands jugements, et je vous prendrai pour être mon peuple, je vous serai Dieu, et vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous retire de dessous les charges des Égyptiens. Et je vous ferai entrer au pays touchant lequel j'ai levé ma main, que je le donnerai à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en héritage. Je suis l'Éternel. Moïse donc parla en cette manière aux enfants d'Israël, mais ils n'écoutèrent point Moïse, à cause de l'angoisse de leur esprit, et à cause de leur dure servitude. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, va, et dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de son pays. Alors Moïse parla devant l'Éternel, en disant, voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté, et comment Pharaon m'écoutera-t-il ? Moi qui suis incirconcis de lèvres? Mais l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur commanda d'aller trouver les enfants d'Israël, et Pharaon, roi d'Égypte, pour retirer les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ce sont ici les chefs des maisons de leur père, les enfants de Ruban, premier-nés d'Israël, Hénoc et Palu, Hetsron et Carmi, ce sont là les familles de Ruban. Et les enfants de Siméon, Shemuel, Jamin, Ora, Jacquin, Solar, et Saül, fils d'une Chananéenne, ce sont là les familles de Siméon. Et ce sont ici les noms des enfants de Lévi, selon leur naissance, garçon, Kehat et Merari. Et les années de la vie de Lévi furent 137. Les enfants de garçon, Libni et Simi, selon leur famille. Et les enfants de Kehat, Enram, Jitchar, Hébron et Uziel. Et les années de la vie de Kehat furent 133. Et les enfants de Merari, Mali et Musi, ce sont là les familles de Lévi, selon leur génération. Or Enram prit Jochtébède, sa tante, pour femme, qui lui enfanta Aaron et Moïse. Et les années de la vie de Enram furent 137. Et les enfants de Jitchar, Coré, Néphé, Zikri. Et les enfants d'Uziel, Misaël, Eltsaphan et Sitri. Et Aaron prit pour femme Eliseba, fille de Aminadab, sœur de Nasson, qui lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Et les enfants de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph, ce sont là les familles des Corites. Mais Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, qui lui enfanta Phiné. Ce sont là les chefs des pères des Lévites, selon leur famille. Or c'est là cet Aaron et ce Moïse auquel l'Éternel dit, retirez les enfants d'Israël du pays d'Égypte, selon leur bande. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour retirer d'Égypte les enfants d'Israël, c'est ce Moïse, et c'est cet Aaron. Il arriva donc, le jour que l'Éternel parla à Moïse au pays d'Égypte, que l'Éternel parla à Moïse, en disant, je suis l'Éternel, dit à Pharaon, roi d'Égypte, toutes les paroles que je t'ai dites. Et Moïse dit devant l'Éternel, voici, je suis incirconcis de lèvres, et comment Pharaon m'écoutera-t-il ?